Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter Inna hadha al-ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Cette science est une religion, prenez donc garde de qui vous prenez votre religion. Un cours donné par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنكمل إن شاء الله تعالى هذه الكلمة المختصرة وتقدم معنا أن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يجلسون مع أهل البدع والضلال عليكم السلام ورحمة الله وذكرنا بعض الآثار في هذا وفي هذه الأزمنة شبهة ضعيفة هزيلة وهي أن بعض الناس يظنون أنه يجوز أخذ بعض العلوم عند أهل البدع فعلى notre époque il y a une شبهة certaines personnes ils pensent en apprendre مثلا la langue arabe ou la science du hadith غير ذلك من العلوم يجوز عند أهل البدع هذه كما نديس الشبهة هذه بعيدة جدا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre dans ce verset, on n'a pas le droit de s'approcher. Al-Rukun, Al-Mayl, c'est le fait de se pencher, de s'approcher. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit de nous approcher, wa la tarkanu ila alladhina zalamu, ay des injustes. Fatamassakum unnar. Le fait de s'approcher, de se rapprocher de ha'oula, c'est une cause qui peut te pousser finnar. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية أي في تفسيره قال ابن جريج رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تميلوا إلى الذين ظلموا ولا تميلوا الميل سكم الركون سي الفت دو سرابخوشي الفت دو سبونشي قال ابن كثير أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم ابن كثير il explique le verset ce verset qu'est-ce qu'il veut dire أي لا تستعين ne te rapproche pas ne demande pas d'aide que ça soit في العلم ou autre بالظلمة les injustes que ça soit un kafir que ça soit un مبتدع فتكونوا كأنكم قد رضيتم لأن si tu te mélanges ou مثلا t'apprends chez lui c'est comme si tu étais d'accord avec son manhaj c'est comme si tu étais d'accord avec son madhab قال العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي سلمه الله قال كل مبطل ظالم وكل مبتدع ظالم هذا سطمت أن le verset ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ça englobe كل مبطل que ça soit un kafir que ça soit un mubtadi, un munharif, un dhal, t'as pas le droit de te mélanger à lui et de le fréquenter. قال فلا تركن إلى أحد من هؤلاء فتمسك النار أي تمسك أنت. قال لأنك لما تركن إلى الفاسق إلى المبتدع الضال تكون كأنك راض هذا الشيخ ربيع الآن وفقه الله يسيت La même parole que Ibn Kathir. Aïe, c'est comme si tu étais satisfait. Il y en a une personne que tu détestes. Une personne que tu sais, il est dans l'égarement. Tu ne peux pas te rapprocher de lui, Anta. Enfin, si tu te rapproches de lui, c'est comme si tu étais satisfait. Wa hadha al-an, c'est khatir. L'an al-bid'a, al-muslim, tu n'as pas le droit d'être satisfait d'une bid'a. Ou d'accepter une bid'a, là, il y a juz. Kalam Sheikh Rabi'i, risalat al-thabat ala sunnah. هذا ce verset avec l'explication qu'on a cité d'Ibn Kathir ou de Sheikh Rabi' il montre clairement que tu n'as pas le droit Anta, pour la langue arabe ou pour autre. Tu n'as pas le droit. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ قال الإمام العثيمين عليه رحمة الله. Sheikh Al-Uthaymin a une parole claire, on va la lire là, sur ce sujet. Est-ce que tu peux prendre la langue arabe d'un innovateur? قال رحمه الله والظاهر كلام الشيخ. هذا الكلام الآن إلى من شرح الحلية حلية طلب العلم الشيخ بكر رحمه الله. فالشيخ العثيمين الآن يكسبيك سو كلام. والظاهر كلام الشيخ أي بكر أبو زيد أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. Tu prends rien de lui, même une chose qui n'est pas liée avec sa bid'a. Maintenant, un kharidi, un ikhwani, il t'étudie chez lui la langue arabe, la yajouz. Même si ça n'a pas rapport avec sa bid'a. La langue arabe, maintenant, ça n'a pas rapport directement avec sa bid'a. Lakin, zahir, kalam, Sheikh Bakr, il montre que c'est interdit mutlaqan. Et Sheikh Al-Uthaymin, il va appuyer هذا. قال مثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في اللغة العربية. البلاغة والنحو والصرف فهل نجلس إليه نأخذ منه هذا العلم شو من هذا من الآن يبوزن كيستيون سي أن إنوفاتور إلى لا كاباسيتي بل إلي بيرفورمون إي ميتريز لا لانغ عرب لو نحو لا كونجوغيزون لا غرامير الصرف لا كونجوغيزون إسكو تو بو بروندر سو علم فيغ لوي قال الشيخ ابن عثيمين ظاهر كلام الشيخ أي بكر أننا لا نجلس إليه لأن ذلك يوجب مفسدته. الشيخ ابن عثيمين الآن يبغى تمونتخي بوركوا تو فريكونت با تابخون با شي لوي لأن يا دو مفسدة تو فافوار دو شوز كي فون تفير دو مال. قال الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق. هذه سي المفسدة عظيمة لأن سو مبتدع الآن سي فوا تو الموند فيان شي لوي خاصة أهل السنة السلفيون إي فيان شي لوي إي با بونسي كيلي على حق وسيغتر بنفسه. سا سي المفسدة الأولى. الثانية اغترار الناس به هذه سي المفسدة عظيمة كذلك لأن الناس لا يفرقون الناس لا يفرقون شي باتخوفي دي عوام دي جهال يفون فوار مثلا أهل السنة آلي شي ستو بيرسان أو يفون بانسي كي ستو بيرسان إلي بيان. Demain tu meurs, tu voyages, les gens ils vont toujours avoir cette image que tu es parti chez Fulan, donc il est bien. قال حيث يتوارد عليه الناس وطلبة العلم ويتلقون منه والعام لا يفرق. العام ما يفرقش با. كذلك طالب العلم المبتدئ. كذلك لو ديبيتون même si c'est un طالب العلم. طالب العلم ils ont pas tous le même niveau, il y a des débutants. هذا لا يفرق. مسكين يديفرونسيغا با هو. قال بين علم النحو وعلم العقيده هو يفغا با لا ديفيرونس بوتيت با كومونسي افيك علم النحو لغد اي لو مدرس سو مبتدع اي با لو ديغ ا بارتير دو دومان اون في ان شاء الله ان دوزيام ليفغ ان ليف دو عقيده اي تو تروف تو المونس في لا باغ. لماذا؟ لان ايزو اوفير سيت بورت دو شر كو السلف ايزون فيرمي السلف ايزون مي اون غارد الرسول الى مي اون غارد بل الله سبحانه وتعالى الى مي اون غارد. Et بعض الناس ils ont ouvert cette porte et c'est une cause d'égarement. قال ولهذا شيخ ابن عثيمين الآن il va donner son avis. قال ولهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل البدع والأهواء مطلقا مطلقا أي dans tous les cas arabe ou autre لا تجلس عنده. قال حتى إن كان لا يجد علم العربية والبلاغة. انظر واسمع تأمل شيخ ابن عثيمين يقول ميم سي تو تروف با ان بروفيسور كي تنسين لا لانغ عرب لانا سي ليكسكيل دو كثير من الناس مي يا بيرسون موا جو دو ابروند لاراب شيخ ابن عثيمين يتمونت ميم سي تو تروف با لان سي ميو كو تو ريست ان مسلم ان سني ان سلفي على عقيده صحيحه et tu restes à la fitra, t'es un ignorant, que tu ouvres cette porte, ou al-iyadu billah, tu t'égares. قَالَ فَسَيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهُ صحيح. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Si tu crains Allah, Allah il te remplacera par meilleur. Aujourd'hui, tu n'as pas trouvé un professeur, demain tu le trouveras. صحيح. Aujourd'hui, tu ne peux pas te déplacer, tu ne trouves personne. Demain, Allah il te facilite, tu te déplaces chez un savant. بإذن الله عز وجل. أتستعجل. Ne te précipite pas. لأن dans ce cas-là, tu es excusé. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أنت الآن يا personne, يا مبتدئ ضال. T'apprends pas في هذا الحال et tu fais le dua et tu fais des efforts pour te déplacer vers un savant sunni, une école salafia, si tu peux. قال فسيجعل الله له خيرا منه لأن كوننا نأتي لهؤلاء نتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. صحيح. شمل تيمين يتمنى que si on va tous chez cet innovateur, خلاص, les gens ils vont penser que c'est une personne qui a le حق. Les élèves سيغتروا, كذلك les élèves ils différencient pas, ça va leur faire du mal. فهذا الباب إلى واضح كسبب شر صحيح العربية elle est obligatoire pour comprendre ton dîn si t'as la capacité si t'as pas la capacité fais des invocations demande à Allah عز وجل et Allah سبحانه وتعالى يجعل لك مخرج وخير إن شاء الله وقال الشيخ العلامة يحيى الحجوري حفظه الله سألناه قبل أيام on lui avait posé cette question قبل أيام et il a répondu حفظه الله أي est-ce que une personne يعني il trouve pas un professeur sunni et il veut apprendre l'arabe est-ce qu'il peut l'apprendre chez un مبتدئ قال حفظه الله خذ علم اللغة وعلم الفرائض وعلم العقيدة وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم القرآن من أهل السنة الشيخ يحيى montre il différencie pas. Prends la langue arabe et prends la aqidah, prends toute la science, toutes les matières, tu les prends chez Al-Sunnah. قال وكل العلوم التي تحتاجها تجدها عند أهل السنة. كذلك ça montre أن ceux qui disent ou qui prétendent mais il n'y a personne, moi j'ai pas trouvé. Là, Al-Khair il est موجود عند أهل السنة. Le naqs il vient de toi. لكن العلم لا شك qu'il faut que tu te déplaces. Sunnat al-salaf al-rihla et talab al-ilm. Pense pas et ne crois pas que talab al-ilm, le savant il va venir, il va déménager dans ton immeuble et il va te donner des doroses. C'est ba'id hada. Illa yasha'Allah. C'est toi qui dois te déplacer, ya akhi. Al-an, si on pose la question, est-ce que ahl al-sunna ils sont mawjoudou? Al-ulama wa talabat al-ilm. Wa lillahi alhamd bi kathra. Talabat al-ilm bi kathra. Et l'ulama ils sont mawjoudou. La personne il fait des efforts. Fait des sacrifices. Amma il reste chez lui et il fait aucun effort. Thomas il dit non, moi il n'y a personne, je vais prendre chez un mubtadi' là. Tu vas te faire du mal, akhi. Thomas Sheikh, Havidaullah, il a cité le athar d'Ibn Abbas qu'on a cité hier. Qal mujalasat ahl al-ahwa mumridatun lil-qulub. On l'a cité ams. Thomas qal al-Sheikh, fa hafidh ala sihhatik wa salamatik. Sahih. Al-Sheikh, Havidaullah, il dit préserve. Ta aqidah, préserve ton din. Comme tu préserves ta santé. Tu fais attention des maladies. Tu fais attention de ne pas tomber malade. Tu fais attention pour toi, pour tes enfants. Fahakada ton din. Bal ashad. Comme a dit Hafidhahullah, falhamdulillah. Anna ahl al-ahwa yahtajuna ila ilm ahli sunnah. Naam. C'est ça. Al-as. C'est que c'est ahl al-bid'ah qui ont besoin de ahl al-sunnah. Vous avez vu tous les athars qu'on a lu ams, hier. أن سئو كيس دبلاش كيس دبلاش عند السلف لماذا لأن سئو كون بزوان عند السلف أما نحن ندخل بك والله المستعان تدخل سني سلفي مكرم معزز الله لا إله إلا هو بيكسر منهج إيفا إي سغابس عند صاحب عند أهل الأهواء. هل سيكون besoin de علم أهل السنة, de هدى أهل السنة, de نور أهل السنة؟ c'est pas nous qu'avons besoin de أبدا. أهل البدع المبتدع يبقى دوني كوا que des problèmes, des fitan et des شبه. قالوا أهل السنة لا يحتاجون إلى مجالسة المبطلين. قال صاحب الهوى يعطيك. الشيخ يحيى الآن يتمضغ يدي مبتدع يبقى دوني. شو بأخذ ألف باء, tu vas prendre mubtada khabar, tu vas prendre fa'il maf'oul. Si te donne avec une méthodologie correcte, si te donne, walaw si te donne taqaddar hypothèse, il te donne yuslibuk. Cheikh Hafidallah il dit yuslibuk, as-salb c'est va te prendre, il va te donner un peu, il va te donner les lettres de l'alphabet, il va te prendre une partie de ta aqida. Kayf anta, tu veux échanger ta aqida avec des lettres de l'alphabet, sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, ma yuslibu akthar min istiqama wa thabat. Cheikh dit, lakin ma yuslibu, ce qui va te prendre, c'est beaucoup plus important que ce qui va te donner. Ya Allah, on va dire, t'as appris, t'as fait kitab 1 de Médine, t'as fait kitab 2, t'as fait al-alfiyya de Sharh ibn Aqil. Ya Allah. Et après, si ta aqidah t'as dévié, tu deviens wal'iyadu billah mu'tazili wa ash'ari wa khariji wa ikhwani. Eish, allez où le fa'ida? Allez où le fa'ida? Qal, al-sheikh, on continue sa parole. Qal, amma ahl al-sunna fala yuslibuk shay'a. Sahih. Amma al-sunni, al-salafi, talib al-ilm, min bab awla al-alim, hada bi'idnillah, il te prendra rien, il va que te donner. Il va que te donner bi'idnillah. Qal, al-sheikh, la mal. Hatta ton argent, il ne veut pas d'argent. Hua. Il te donne l'illah. Tu trouves la première chose, Ahl al-Bida'. Walil Asaf, hatta certains frères salafis, ta attharou bihada, la première chose, un dossier, ça parle d'argent. Ilm al-Salaf, c'était pas hakada. Il n'y avait pas d'argent fi hada al-ilm. Abadan, qala azza wa jal, in adriya illa ala Allah. In adriya illa ala Allah. Aïe. La personne qui a la haine, la personne qui est sincère, la personne qui suit salaf haqqan, il espère la récompense عند Allah. Amma tu trouves ad ahl al-bida', للأسف certains de nos frères ils se font avoir, ils croient que c'est de l'organisation. Les nabad al-nas ils pensent que l'organisation, il lui présente un dossier, il lui demande son nom, il lui remplit un dossier qui ne sert pas à grand chose, et à la fin les tarifs. Houa bad al-nas ghafla, l'insouciance. Il pense que c'est de l'organisation. Il dit, ah, l'école, elle est organisée. Il est en train de te prendre ton argent, faqat. Il vient عند أهل السنة. Ils sont assis dans une mosquée. S'ils trouvent un tableau, alhamdulillah. Tu t'assois, il commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le dars. Ni il veut un dossier, ni il veut de l'argent. Lui, c'est l'ilm. Tu trouves بعض الناس, vu que ta'affaru bi madaris. Vu qu'ils ont été dans des écoles, ils ont été. Enfin, ils ont besoin d'un dossier, il faut qu'il y ait des tables, il faut. Dès qu'il n'y a pas tout ça, ils pensent que ce n'est pas organisé. Ya meskin, c'est tariqat al-salaf. Tariqat al-salaf, ba'dhum, ils ont une halqa de 100 000. 100 000 élèves. 10 000, 50 000. Ba'dhum, ils ne les connaissent même pas. Lillah idan. Tu trouves de ces assises, des ulama, ils sortent. Lui, tu trouves là, à cette époque, des dossiers. Tu trouves, ils sont dans des amphithéâtres. بعضهم كذا كذا كذا كذا à la fin il n'y a pas grand chose, des paillettes فقط. فالسني بإذن الله il te donnera que le khayr qu'il a. T'as une erreur, il te conseille بإذن الله, et il te donne et toi tu lui réponds بإذن الله, tu reconnais ce ma'rouf, t'as un bon comportement, t'es régulier, c'est ça entre sunni. أما المبتدع لا تسلم. La taslam min. Imma il fera du mal, imma une shubha, imma ton argent. Et à la fin, les personnes y regrettent. Qala al-shaykh, fala tazdad illa khayra. Aïm al-sunni. Tu fais que progresser, bi-idnillah. Wallahi, vaut mieux progresser tout doucement. Wallahu avec al-sunni. Il a moins d'ilm que ce mubtadi' mathalan. Lakin tu progresses tout doucement. Petit à petit, les lettres, tu commences à apprendre à lire, tu commences à apprendre des livres de grammaire simple. Tout doucement, c'est mieux que cette organisation. Et à la fin, tu as avancé dans une chose, mais tu as perdu beaucoup plus. Ta aqida et ton manhaj. الشيخ حفظه الله ففرد الشيخ الآن يبقى دوني ان اكزامبل pour te montrer la gravité d'apprendre l'arabe chez اهل البدع قال ففرد ان درست معه قطر الندى يدي مثلا اكزامبل t'es parti chez ce mubtadi et t'as appris ou t'as étudié avec lui قطر الندى قطر الندى معروف c'est un livre de nahou et c'est une référence dans la matière c'est une référence فمثلا t'as étudié ce livre chez lui قال وأدخل عليك عقيدة الأشاعرة. Dans ce livre, si tu fais pas attention, même les autres livres, il peut te donner un exemple. مثلا فعل فاعل. Je vais arriver, va donner un exemple. Le verbe, il a besoin d'un sujet. Il peut te citer قول الله عز وجل comme il a cité الشيخ وجاء ربك وجاء ربك والملك صفا صفا سورة الفجر. Citer cet exemple, il y a un fi'l, il y a un verbe, ja, il y a un fa'il, un sujet, rabbuk, et il peut te l'expliquer, comme a dit le cheikh, il te cite l'exemple, il te dit, ay, amru rabbik, khalas, aqidat al-asha'ira, elle a attaqué ton cœur. Anzur, wa ta'amman, il dit, matalan, wa ja'a rabbuk, khalas, c'est un verset, il est clair. Huwa, il te dit, ay, amru rabbik, il te dit, c'est-à-dire l'ordre d'Allah. Ay, lui, il t'explique, sa aqidat, lui il croit pas que c'est Allah lui-même qui vient yawm al-qiyamah là là il dit en fait Allah il a voulu dire c'est son ordre ta'wil tahrif aqidat al-ash'ari ad-dallal انظر الان avec cet exemple il te fait rentrer aqidat al-ash'ari thumma ce frère qui a étudié peut-être qu'il a pas fait attention khalas lui il croit wa ja'a rabbuk le verset ça veut dire ay l'ordre d'Allah c'est pas Allah qui vient khalas ta'til tu te rapproches de al-mu'tazila et al-jahmiya الان قال الشيخ وأنت تحسب أنك تحسن صنعا. Et toi, tu penses que t'avances. Ah, mashallah, j'ai fini cette session. Ah, mashallah, j'ai fini ce livre. Et Allahu a'lam, qu'est-ce qui reste de ta aqida. Plus t'avances et plus on s'inquiète pour ta aqida. قال الشيخ فالتلمذ عند أهل الأهواء عديم البركة. صحيح, il n'y a pas de baraka. Il n'y a pas de baraka. Comment tu veux qu'il y ait de la baraka avec un malade, avec un égaré? Il est malade lui-même, il a besoin d'être soigné. كيف أنت tu veux de la baraka, tu veux du neuf de هذا. صحيح, tu vois بعض الناس ils ont مثلا si on reste dans l'exemple de la langue arabe des il a fait des sessions comme ils appellent ça. Il a fait des mois, des années la langue arabe عند أهل البدع. Tu le trouves, il n'y a pas le même fruit que celui qui a étudié عند أهل السنة. On en a vu, vous en avez vu. T'as fait combien de temps de langue arabe? J'ai fait 2 ans, 3 ans. Mashallah. Il a payé manadrikam. Tu l'entends, tu vois son niveau? C'est pas ça. Wallah, il aurait subar ma'a al-sunna, avec le baraka, avec le huda. Fa, bi'idnillah, en peu de temps, il aurait eu ce niveau en préservant sa aqida. Amma lui, Allah alam, qu'est-ce qui reste de sa aqida? Hada. قال الشيخ إلى conclu وإن تعلمت فماذا ينفعك هذا العلم مع فساد العقيدة. On dit نحن يلا تأبخي تأفنسي. Qu'est-ce que ça va être profitable pour toi si t'as perdu ta aqida ou une partie de ta aqida ou t'as des doutes. Allez la faïda. والله il vaut mieux rester جاهل عقيدة أهل السنة بإذن الله tu meurs à la dalhal t'es من أهل الجنة بإذن الله. Tu seras ignorant t'as pas eu les moyens. Amma ouvrir cette porte wal iyad billah fa nasallah al-thabat wal afiyah qala al-imam ibn battah rahimahullah min a'immat al-hanabila min a'immat al-salaf fi kitabihi an-nafi' al-ibana ila kitab 'azim al-ibana 'an al-firqah an-najiyah qala laqad ra'aytu jama'a min an-nas. Al-An, il raconte son expérience. Il dit, j'ai vu un groupe de personnes, j'ai connu un groupe de personnes. كانوا يلعنونهم ويسبونهم. Ibn Battah, il connaissait un groupe de frères à son époque. Il détestait أهل البدع. Il les insultait, بل il les maudissait. قال فجالسوهم على سبيل الإنكار. لكن, ce groupe, il a fait une erreur. Ils se sont dit, on va les fréquenter pour les conseiller. قال والرد عليهم فانظر الان leur but c'était on va se mélanger avec ces mubtadi'a pour les conseiller pour leur montrer leurs erreurs. La niya elle est bonne, lakin la méthode elle est mauvaise. Même si tu as une bonne niya, si tu khalif les salaf, tu te feras du mal. Les salaf, ils avaient une meilleure niya que toi. Ibn Sirin, rahimahullah, un verset du Coran, il bouge ses oreilles, il ne veut pas écouter. Fama balouk anta, tu vas et tu te mélanges, je veux leur montrer. Tu vas leur montrer, lui aussi va te montrer. Allah alam, qui c'est qui va convaincre l'autre? Qala rahimahullah, fama zalat bihim al-mubasata. Fama zalat bihim al-mubasata. Wa khafil makr. Aïe, le temps, la durée, et ça a commencé à se rapprocher, faire des liens. Ahl al-bida' yamkurun min taht. Ahl al-bida' ils rusent, alors que ses frères, ils avaient une bonne niya. Qala wa daqiq al-fikr, hatta sabbu ilayhim. Ibn Battah, il dit, Ahl al-bida' ils n'ont pas cessé à ruser contre eux. Hakada, des repas, Rubama, des repas, venez, on va s'asseoir, Tfaddal, explique-nous, mon frère, kada, kada. À la fin, ces personnes qui étaient à l'époque d'Ibn Battah, ils les insultaient, les maudissaient, ils ont fini avec Ahl al-bida'. Khalas, on est avec vous. En fait, c'est toi qui avais raison, on était trop dur, on était kada. Andar Fath al-Bab, ils ont ouvert une porte. Ibn Battah, rahimahullah, c'est un imam. Il te raconte ça, ouais, il sait, il a fermé la porte, walillah alhamd. Lakin, il te conseille, la'alla wa asa. On cite des amthila. On vous cite quelques exemples. Hatta, yani, mais idnillah, t'as compris, et ça va te renforcer encore que fréquenter Ahl al-Bida' c'est grave. Al-Mithal al-Awwal, Imran ibn Hittan, al-Khariji. Qala l'imam al-Zahabi. Hada, cette personne, il s'appelle Imran ibn Hittan. قال الذهبي رحمه الله في السير عند ترجمة عمران قال حدث سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال ابن سيرين ورحمه الله أبو بكر يغاكون تزوج عمران cette personne عمران بن حطان il s'est marié عمران بن حطان الآن c'était un savant il a une رواية في صحيح البخاري صحيح البخاري il y a une رواية. Il y a cette personne, Imran ibn Hittan. Ça montre qu'il avait du ilm. Et l'imam le Bukhari, pour qu'il le cite dans Sahih, c'est que c'est une personne, il avait un grand fil ilm. Lakin, on dort à Ahl al-Bida. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Tazawwaja, Imran Kharidiyya. Il s'est marié avec une Kharidiyya. Wal'iyadu billah. Une femme qui était à la madhhab al-Khawarij. Wa qal sa'arudduha. Il a prétendu, ils lui ont dit, ya fulan, entabé. C'est une Kharidiyya. Il a fait ça. Je vais lui montrer, elle va revenir. Ça, c'est un savant, là. Et c'est une femme en face de lui. Qal. Sa'arudduha. L'imam al-Zahabi, rahimahullah, yaqul. Ou Ibn Sirin. Fasarafathu ila madhhabiha. Bella lui a fait da'wa, c'est devenu un Khariji. Imran ibn Hittan. الآن اللي كونوا عند أهل العلم في كتب التراجم سند التد الخوارج إلى بين رواية إلى بين رواية صحيح البخاري حتى الشقي المنحرف الضال tellement qu'il s'est garé il a fait une poésie pour complimenter la personne qui a tué Ali ibn Abi Talib. انظر الزيغ والضلال. Il était à la خير والله il avait plus de علم que nous, plus de حفظ. Il était à l'époque de l'imam al-Bukhari ou un peu avant. لكن une femme الله يقاره ما بالك الآن أمسكين إلا بد علم إلا بد حب يبتد كي كمفهم بالعرب إلا هو مليو دو سبا إن فام رؤوس أهل البدع دي تت إخواني تكفيري قطبي إلا هو مسكين إلا هو مليو إلا دي جو أبخون العرب De toute façon, s'il dit quelque chose de pas bien, je l'écoute pas. Mais Amiskin, tu comprends pas. Il va dire du bien ou du mal. Tu peux pas distinguer Anta. Tu crois qu'Ahl al-Bida il va venir Hakada? Abedan. Et Amkorbik Leil Nahar. Un mois, deux mois, il va patienter avec toi. Son but, c'est égaré. Le deuxième exemple. Abd al-Razzaq al-San'an. Hada, c'est min A'immat al-Di. Il a un célèbre livre, al-Musannaf. C'est une référence. Lakin, il s'est rapproché d'un moubtadi'. Tu vas voir le mal qu'il lui a fait. Abd al-Razzaq al-San'ani, al-Yamani, rahimahullah. قال الإمام الذهبي قال جعفر بن سليمان الطيالسي سمعت ابن معين الإمام رحمه الله يقول سمعت الآن ابن معين يحيى رحمه الله il était à l'époque de l'imam Ahmed il raconte l'histoire de Abd al-Razzaq ou ce qu'il a vécu avec Abd al-Razzaq قال رحمه الله سمعت من عبد الرزاق كلاما يوما. يحيى بن معين مرة il était assis avec عبد الرزاق et il a entendu une kalima. Cette kalima, c'est une pensée parmi les pensées des Shia, تشيع. L'imam ibn Ma'in, il a été étonné. Il lui a dit, يا عبد الرزاق من أين لك هذا؟ يعني d'où t'en mène ça؟ ثم يحيى بن معين continue, il dit, alors que t'as pris l'ilm عند أئمة السنة. C'est bizarre. عبد الرزاق il a pris العلم عن أئمة السنة et il dit cette parole qui ressemble au Shia التشيع. يحيى بن معين il dit عبد الرزاق t'as pris العلم عند معمر ومالك أئمة السنة سفيان ابن جريج الأوزاعي 5 إمام de la سنة ils sont connus. يحيى بن معين lui a posé la question من أين d'où t'emmène ce مذهب. عبد الرزاق il lui a répondu قال عبد الرزاق قدم علينا سليمان بن جعفر الضبعي في صنعاء مرة الصنعاء سليمان بن جعفر مبتدع منحرف ضال إلى بنيا صنعاء قال عبد الرزاق فرأيته فاضلا حسن الهدي. عبد الرزاق il l'a rencontré, il a vu c'est une personne mashallah, un bon comportement كذا كذا خلاص, il a fait des liens avec lui. سليمان هذا il avait des pensées de شيعة, il les a mis à عبد الرزاق. الآن عبد الرزاق il est connu رحمه الله il a glissé dans des مسائل في التشيع. Ça ça te montre أن même un savant, même un imam, il peut se tromper. مثلا أحيانا il y a des fitan, un savant il n'arrive pas à distinguer, il dit مثلا فلان, non il est à la حق. Tu trouves un deuxième il vient il dit c'est un مبتدع en vol. Et attention يا أخي, et attention prends le حق. Savant, tu lui trouves une excuse. Inch'Allah, il ne savait pas, il s'est trompé. Et l'abbasu alayhi. Hada, amma préserve ton dîm. Chouf, Abdelrazzaq. Abdelrazzaq, il a l'an, ça colle à sa tarjama. Hada, annahu, il avait du tachayyu. Rahimahullah. Ça, c'est sahib al-musannaf. Tu vois le musannaf, tes yeux, tu vois, t'as mal à la tête, ta tête, elle tourne. Hada, Abdelrazzaq. Ma baluka miskin, il ne sait pas encore les lettres de l'alphabet, rubbama. Troisième exemple, Ibn Aqil al-Hanbali. Hada, c'est Ra's min Ru'us al-Hanabila à son époque. C'est la tête du madhab Hanbali à son époque. Imam. Il est connu, celui qui a fait Sharh al-Alfiyya, Ibn Aqil, rahimahullah. Imam. C'est un imam. Et c'est un imam, rahimahullah. Lakin, isma' ce qui lui est arrivé ma'a Ahl al-Bida'. Qala rahimahullah, wa kana ashabuna al-Hanabila yaruddun ou yuridun minna هجران جماعة من العلماء. الآن ابن عقيل يقول يدي certains ses compagnons الحنابلة ses amis il le mettait en garde contre certains. انتبه va pas chez فلان. قال وكان ذلك يحرمني علما نافعا. ابن عقيل يدي ils m'ont mis en garde لكن il est parti lui لأن si il va pas voir فلان ça va l'handicaper dans العلم لأن فلان il a du علم et lui il voulait prendre. قال الإمام الذهبي. الإمام الذهبي الآن il va t'expliquer comment ça a fini. قال كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة الحنابلة met en garde ابن عقيل malgré c'est un imam. Ça te montre أن le petit le grand طالب علم عالم s'il faut le conseiller on le conseille. الدين النصيحة ils l'ont conseillé pourtant c'était leur imam, c'était la tête du madhab. قال ويأبى حتى وقع في حبالهم. الإمام الذهبي il te dit أن ابن عقيل il les a pas écoutés حتى il s'est garé, il est parti مع المعتزلة. هذا celui qui fréquente أهل البدع. الآن ابن عقيل il a des livres, c'est un imam, il est connu dans le madhab الحنبلي, c'est des أئمة. لكن انظر il s'est frotté أهل البدع, il s'est fait du mal. حتى ابن قدامة رحمه الله الإمام ابن قدامة من أئمة الحنابلة الرد عليه رد عليه بقوة. Et ils lui ont montré clairement. Walillah ilhamd, il est revenu. Lakin, on dort les risques l'âme. Il aurait écouté la nasiha dès le début. Va pas chez Foulan, barakallahu fik, j'y vais pas. Lakin, on dort l'excuse. Yuhrimuni, si j'y vais pas, ça va m'handicaper dans l'âme. Mithl l'âme. Ya akhi, pourquoi tu vas prendre chez Foulan? Là, je vais apprendre, si je vais pas, je ne veux pas apprendre la langue arabe. Ya akhi, tu vas apprendre la langue arabe et tu vas perdre ton din, rabbama. Qala. الذهبي continue ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص. خلاص il a commencé à أول les nusus. وَجَاءَ رَبُّكَ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Il a commencé à déformer les versets fi as-sifat. Le problème là, l'égarement, il est fi al-aqida, fi al-asma wa as-sifat. C'est pas simple. قال ابن كثير كادت روحه أي ابن عقيل تخرج معها. ابن عقيل أو ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يدي il a failli perdre son âme ابن عقيل à cause de cette histoire. Perdre son âme, il a failli s'égarer. Il a failli rester. Allah subhanahu wa ta'ala rahimah, il est revenu. Il est revenu après une longue fitna entre le Hanabila. La cause c'est Mujalasat Ahl al-Bida'. Quatrième exemple, Abu Dharr al-Harawi. Qala al-Dhahabi rahimahullah. Akhadha al-Kalam. Wa ra'i Abi al-Hasan, ay al-Ash'ari. An al-Qadhi Abi Bakr. Il était à la khayr. À la sunnah. Lakin, il a fréquenté هذا. Al-Qadhi Abi Bakr. Al-Ma'roufi al-Baqillani. من أئمة الأشاعرة. Son histoire, il la cite, قال إني كنت الإمام الهروي غاكوت إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدار قطني. مرة ils marchaient, ils étaient en voyage, ils allaient en direction de Bagdad avec الحافظ الإمام الدار قطني أبو الحسن صاحب العلل المشهور. قال فلقينا أبا بكر. Ils ont rencontré Al-Baqillani, cet imam de Al-Ash'ari. قال فالتزمه الشيخ أبو الحسن وقبل وجهه وعينيه. L'imam Ad-Darqutni, le savant de la Sunna, dès qu'il a rencontré Al-Baqillani, cet imam qui était à la madhab Al-Ash'ari, le madhab égaré, Ad-Darqutni Sunni, dès qu'il a rencontré cet imam, il lui a embrassé la tête et il l'a embrassé entre les yeux. Al-Harawi, il a vu ça, ça l'a étonné. Al-Imam Ad-Darqutni, c'est imam Sunna à son époque. C'est la tête de la Sunna à son époque. Enfin, ça l'a étonné. Comment cet imam, il embrasse la tête de cette personne. Enfin, Al-Harawi l'a demandé à l'imam Ad-Darqutni, c'est qui Foulan, tu lui embrasses la tête et l'akhiré. Al-Imam Ad-Darqutni lui a dit, Hada, c'est imam al-muslimin. Al-Imam Ad-Darqutni, il ne savait pas son hal. Il ne connaissait que du khayr en lui. Il lui a dit, Hada, c'est imam al-muslimin. Al-Imam Abu Bakr, kada kada. Al-Imam Al-Harawi, depuis cette époque, khalas, cet imam, il est rentré dans son cœur. Le jour où il a pu, il s'est déplacé avec son père et il a étudié chez lui. Il a appris madhab al-Ash'ari. C'est devenu un Ash'ari al-Aqid. C'est lui la cause, Al-Harawi, c'est la cause que au Maghreb, le madhab Ash'ari est rentré. L'Andalousie et le Maghreb, ils connaissaient que Sunna à l'époque. A'immat al-Sunna. Hada, il est venu, il a fait da'wa ila al-Ash'ariya. Le madhab, il est rentré ila al-an. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les écoles, كثير من الأئمة العوام, ils ont عقيدة الأشاعرة. Le sabab, il vient d'ici. Et il a rencontré Hada, khalas. Ça te montre. Anna, si un imam de la Sunna, il se trompe sur une personne, dans la contenu, il ne savait pas. Là, la tartar. L'imam, il a une excuse, inshallah, il ne savait pas. Amma anta, si tu connais son égarement, écarte-toi. Un deuxième savant vient et dit c'est un murtadi, c'est un dal. Badnas, non mais Cheikh Foulan il a dit. Ça ne te sera d'aucune utilité si tu t'égares. Cheikh Foulan, Inch'Allah, lui il a parlé bi ikhlas, sidq. Et il ne savait pas, il s'est trompé. Amma anta, on te montre et tu t'entêtes. C'est là que tu te fais du mal. Cinquième exemple. Et dernier exemple, Al-Ghazali. Al-Ghazali, c'est un munharif, c'est un dal, c'est un soufi. Sahib al-Ihya, on parle, l'ancien, pas le contemporain. سامو الحريف سانضال سانصوفي هذا الغزالي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمرضه الشفاء il était à la khayr à l'époque لكن il a lu un livre والعياذ بالله il s'est égaré أمرضه الشفاء il a lu الشفاء لابن سينا وتأمل fais attention الآن استقصال va te montrer أن أهل البدع fais pas attention ou fais attention plutôt ne te fais pas voir par les titres des livres les titres des cassettes. Ne te fais pas avoir. Andor Hadal An, son livre il s'appelle Ash-Shifa. Ash-Shifa, si tu le traduis, c'est la guérison. Cheikh l'Islam, il dit Amradahu Ash-Shifa. La guérison, elle l'a rendu malade. Les Anna al-Ghazali, il est rentré dans ce livre. Il l'a lu. Khalas, son cœur, il est tombé malade. Il a dévié, il est rentré dans la philosophie. Wal-Iyadu Billah. Amradahu Ash-Shifa. قال شيخ الإسلام أي كتاب الشفاء لابن سينا قرأ فيه الغزالي فمرض بعلم الفلسفة. Pourtant le livre le titre c'est une guérison. Si tu le lis, bah inshallah ça va te faire du bien. لكن خلاص c'est un مبتدئ qui l'a écrit, fais pas confiance. الشفاء en fait c'est la maladie, elle l'a rendu malade. الغزالي s'est garé. السبب كتاب الشفاء لابن سينا. فأخي انتبه. نحن تصيتي تسا tous ces exemples pour te montrer un ton niveau, notre niveau, on est des masakin. Certains d'entre nous, on a besoin de la langue arabe, on a besoin des fondements dans le din. Enfin, si on se mélange à Haoula, on va se faire beaucoup de mal. On t'a cité des exemples à Imma Fiddin. Al-Harawi, tu sais c'est qui Al-Harawi. Ibn Aqil, tu sais c'est qui Ibn Aqil. Avec tout ça, ils se sont fait du mal en fréquentant Ahl al-Bida. Fama balouk nahnu al-Masakin. On te donne un exemple aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui. Un exemple, مثلاً, Ali Hassan al-Halabi. Il était min khirat talamid al-Albani, al-Imam, al-Muhaddith. Ali Hassan al-Halabi. À l'époque, ceux qui ont connu la salafia il y a 10 ans, مثلاً, à l'époque, Ali Hassan c'était le grand élève de Cheikh al-Albani. Al-Ulama, Cheikh Rabi, wa Cheikh Mukbil, wa tous, ils parlaient bien, mashallah, de Ali Hassan. C'est la relève. صحيح il était ذكي il était على خير et le manhaj c'était le manhaj je lui trouvais une quwa. Il a commencé à fréquenter Ahl al-Bida' un jour au Maroc chez le Maghraoui, un jour en Égypte chez Mohamed Hassan, chez Hussein Yaqub, chez al-Munharif al-Huwayni, un jour au Yémen chez Abu al-Hassan. Khalas, il commence à fréquenter les égarés. L'ulama il le conseille. خاصةً الشيخ ربيع في attention mélange toi pas là خلاص الرجل لا je vais les conseiller je vais كذا شوف الآن علي حتى الآن c'est un مبتدع de sa tête à ses doigts de pied à ses orteils منحرف sans ضل tu mets en garde et t'écoutes pas tu t'écoutes pas tu lis pas ses livres ولا شيء c'est un مبتدع منحرف c'est quoi le سبب لأن il s'est brûlé les ailes il avait des ailes il s'est rapproché d'Ahl al-Bida elles se sont brûlées هذا لا تأمن على نفسك. Tu peux être ma'adri man. As-salaf, ils avaient plus de haine que toi. Ils avaient plus peur d'Allah que toi. Ils ont préservé leur cœur. Si tu diverges, tu fais autre, tu te feras du mal. وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَتَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. هذا t'es obligé de suivre la voie de Haoula. T'es obligé. Tu veux faire à ta sauce, là, moi je sais, tu te feras du mal. On dort Ali Hassan al-An, khalas. Khalas, ils l'ont jeté dans chez Ahl al-Bida'a. Ça a montré qu'il n'a plus aucun poids. Même une sunni al-An, salafi, comme salafiya, il ne donne plus aucune importance à ce munharif. هذا. قال l'imam. Et on finit avec هذا, Ibn Battah, رحمه الله تعالى, قال فالله الله معاشر المسلمين. الآن يبقى ندوني أكونسي الله الله معاشر المسلمين لا يحملن أحدكم حسن ظنه بنفسه وما عنده من معرفته بالصحة مذهبه على المخاطرة بدينه. الإمام ابن بطة celui qui nous a raconté l'histoire de ces personnes qui s'étaient égarées. Il te dit, fais attention. Ne crois pas, khalas, t'as un peu d'ilm. Oh, tu connais ta aqida. Oh, moi je sais, j'ai étudié. Et khalas, tu prends des risques. Tu vas te faire du mal. Mabalouk l'ignorant. Mabalouk une personne mesquine, il connaît rien. قال في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. انتبه. Tu te mélanges à lui et Shaitan est waswas. Là, je veux lui montrer le haq. Ya akhi, écarte-toi. Assalama, assalama. Écarte-toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il guidera un savant min ahl sunnah qui a du ilm et il leur montrera. Avec une cassette, avec un livre, avec quelque chose. Amma, toi, tu vas et tu te mélanges. Ya akhi, tu vas lui faire da'wah, il va t'en faire 10 de da'wah. Tu vas dire une parole, ils vont dire 10. Tu vas citer un délit, ils vont citer 10. Qui c'est qui te garantit que tu vas préserver ce cœur? قال قال وأنهم أشد فتنة من الدجال. الإمام ابن بطة dit écarte-toi, والله leur fitna elle peut être plus grave que le Dajjal. Le Dajjal, Allah il te wafak, c'est écrit kafir entre ses yeux, sur son front. Haoula, il va te parler بسم الدين. T'es vaïf, tu والعياذ بالله تنحرف. قال إلى آخر كلامه إلى طويل. ثم il a cité ce qu'on a cité auparavant. Il a connu des gens et ils se sont égarés. قال الشيخ ربيع حفظه الله فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالطتهم ما دليلك على الجواز صحيح الآن نحن بعض الناس malgré tout ça ويحرص شخوف اللي موتيفي إلا شبع لا أنا جوا على يتجي العرب شي فلان سامبتجع يا أخي ما دليلك تان سني entre nous et toi الكتاب والسنة الآن tout ce qu'on a cité كلام الله كلام الرسول كلام السلف tout ça ça suffit pas ما دليلك على الجواز c'est un sunni قف حيث وقف السلف C'est un sunni vraiment, arrête-toi ou qu'ils se sont arrêtés seuls. Amma t'as un sunni, une étiquette et tu fais ce que tu veux. Enfin, hadith sunna, elle n'est pas, c'est pas hakada. قال حفظه الله الشيخ ربيع بعد هذا قال الرسول حذر صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم بين الخطر صحيح النبي صلى الله عليه وسلم nous a mis en garde il nous a averti il nous a montré le danger Avec tout ça, tu trouves, بعض الناس, ils ont une ghafla ajib. Ça vous montre, celui qui fréquente Ahl al-Bida, imma son manhaj il est va'if, imma son ilm il est va'if. Une des deux. كذلك عدم التوفيق صلى الثبات قال فما هو عذرك وأئمة الإسلام حذروا وأنذروا صحيح أخي بص أنت يوم القيامة سأبيت quoi ton excuse tu t'es garé إلى آخر سأبيت quoi ton excuse qui c'est qui t'a dit d'aller voir cette personne ça t'es garé ما عذرك أئمة الإسلام ils ont écrit des livres ils ont montré ما عذرك c'est quoi ton excuse بسبب cette ghafla Cette rafla que certaines personnes ils ont cette insouciance et se laisser aller, rafla sahiqa, tu trouves Bardanas tellement que c'est parti loin l'an dans l'égarement, Anna Bardanas l'an il veut apprendre son din عند الكفار. Sahih? الآن نحن في أهل البدع سام مسلم لكن سام مبتدع وعد الناس الآن عند كافر tu trouves واحد du jour au lendemain il est à la Sorbonne maintenant il va apprendre l'arabe il va apprendre l'arabe عند اليهود comment il va s'en sortir هذا comment tu trouves ça un égaré خلاص du jour au lendemain il se rase il est en pantalon c'est un munharif واضح كذلك la personne il fait attention les أولاد attention à ses enfants ما بالك الآن tout ce qu'on a cité le danger بعض الناس ما أدري comment son cœur il le laisse والله تتعجب comment son cœur il le laisse et tous les matins il emmène son enfant عند الكفار il pose son enfant chez les kuffar 8h le soir il vient il le récupère الله أعلم comment cet enfant il va finir والله tu le poses au milieu d'une jungle comme on a déjà dit والله au milieu de la jungle c'est أسلم له والله peut-être qu'il s'en sortira il meurt à la khayr. Inch'Allah, il fait partie de Ahl al-Jannah. Amma عند الكفار. Petit Hagada, il grandit. Allah alam à 20 ans, à 15 ans, à 16 ans, comment il va devenir. Taqaddamat qissat Abdullah ibn Taous. Qissat Abdullah ibn Taous, rahimahullah. Taqaddamat. Annahu a mu'tazir, il est venu. Il a commencé à parler à Abdullah ibn Taous, il se bouche les oreilles. Son enfant, à côté de lui, il lui dit Ya Bunay, oh mon enfant, bouche-toi les oreilles fort. Tu trouves maintenant notre génération un ou un minna le mosiba le kubra c'est que بعض السلفيين الان tu le trouves il emmène son enfant chez les yahoud et les nasara il est pas que lui il ne touche pas bouche les oreilles là il leur donne et il part 8 heures ma adri ana ce cœur ma adri ce cœur sallallahu alayhi wa sallam كذلك اخي الكريم tu peux te faire éprouver انت احيانا انك tu n'as pas le choix T'as pas le choix, t'es en contact avec un mubtadi. Matalan, c'est ton père. Matalan, c'est ton frère de sang. Bah, haoula, c'est des proches. Tu pourras pas le laisser. Tu pourras pas. Là, lakin, même si c'est ton père, même si c'est ton frère, s'il veut te parler de sa bid'a, t'écoutes pas. Ou alors, il parle un tas, t'as le cœur ailleurs. Dès qu'il parle un tas, tu fais du dhikr avec ton cœur. Tu l'écoutes pas. Kadalik, ça peut t'arriver. Matalan, tu rentres dans une mosquée. Tu rentres dans une mosquée, khutbat al-jumu'ah. Anta, tu sais pas. Tu es assis dans une mosquée, maintenant tu es en voyage. Sur le mimbar, c'est un mubtadi'. Tu commences à l'entendre, c'est un mubtadi'. Fais hada al-hal, ne l'écoute pas. Fais du dhikr, révise ton Coran. Le Coran que tu as fait, profite-en, révise. Lakin, dans ton cœur. Tu parles pas. Lakin, dans ton cœur, tu révises. Laisse-le voir avec sa bid'ah. Sulayman ibn Mihran, al-imam, al-a'mash, rahimahullah, marra. Il était dans une mosquée, il a commencé à parler. Sulayman ibn Mihran, c'est un imam, min a'immat sunnah al-a'mash. Il a fait rentrer sa main dans son qamis, il a commencé à s'épiler les aisselles. رحمه الله. فهذا المبتدع اللي قال يا هذا انا جو بارل ان تا rien trouvé d'autre tu t'es pile les aisselles, il lui a dit انا j'applique la sunna et ان تا t'es dans le bid'a. هكذا أئمة السنة. Ça prouve que dans la sise il l'écoutait pas. Il l'écoutait pas. نحن on n'écoute pas هؤلاء. Une autre remarque, on différencie أهل البدع et العوام. بعض الناس ils entendent مثل هذا الكلام الآن et ils l'appliquent sur les vieux de la mosquée. أو. Si c'est des عوام, c'est des عوام, c'est des masakin. Le bon comportement est الدعوة. هذا, on mélange pas tout. بعض الناس le vieux de sa mosquée مسكين عمي, il ne sait pas ce qu'il dit. Il se comporte avec lui comme si c'était une tête d'Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila. Ce n'est pas sahih, هذا. Là, Al-Awam, il faut du rifq, de la douceur. Al-Ammi, miskin, il est avec celui qui vient. Le premier qui vient, il le suit. Ça nous montre l'importance de l'ilm ou de da'wah. Mais là, tout ce qu'on a cité, les dangers, à votre avis, ça vient d'où? Ça vient que certains frères, vu qu'il y a un manque, ils veulent aller chercher ce manque ailleurs. Ça montre que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité, il a tlob l'ilm, il maîtrise un peu l'arabe, il maîtrise. Ya akhi, donne à tes frères. On va laisser les frères aller chez Ahlul Bida. L'alphabet, tu n'as pas besoin d'être un savant de la sunna pour apprendre l'alphabet aux frères. Les kutub de Médine, maintenant, le 1, le 2, le 3, tu n'as pas besoin d'être un savant de la sunna pour donner ses livres. Al-Usul Thalat, Al-Arba'in Nawawiyah, la personne qui a de la Qudra, il donne. Lakin, il parle que ce qu'il connaît. Et il s'arrête, il sait s'arrêter. Maintenant, tu donnes le livre, faqat. S'il y a des problèmes, ils ont des questions, ulama as-sunna wa lillahi alhamd, tu peux les contacter par téléphone, ila akhir. Fahada, c'est muhim. Fahakika, dans l'umour al-dunyawiyya, comme on répète souvent, anna les personnes, ils sont haris, jiddan. Tu trouves l'umour al-dunya, celui qui a une voiture, elle a un problème, daiman il va chercher le mécanicien, le abadan, tu lui critiques à peine un mécanicien, tu lui dis fais attention, lui il n'emmènera pas sa voiture. Limada, les anna dunya, il pense à sa voiture. Son enfant mathalan, il a un enfant mathalan, il est malade, il va tout faire pour chercher le médecin le plus performant. Si tu viens, tu lui dis ce médecin fais attention, j'ai entendu cada, ou non si c'est des fausses rumeurs, il va le lâcher, il va le délaisser. Pourquoi on n'applique pas ça pour notre dîn? قال ابن رجب رحمه الله قال يا لله العجب لو ادعى رجل معرفة صناعة من صنائع الدنيا ولم يعرفه الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه. صحيح. Le Rajab, il donne l'exemple avec Dunia. Si une personne, il prétend, maintenant, c'est un médecin, il prétend. Personne n'a jamais vu. C'est pas un médecin. Ouais. Les gens, ils vont le délaisser directement. Ou alors, s'il prétend. Pourquoi fait-il le premier qui vient, il prétend, kada, je trouve un groupe, il le suit. Ah, c'est pas comme ça. Le din, c'est beaucoup plus important. Un médecin, s'il se trompe, probablement, t'auras un mal dans ton corps. Cette personne que tu prends l'ilm, s'il se trompe, ou si c'est un égaré, un innovateur, tu peux perdre ton dîn. قال ابن رجب رحمه الله فكيف بمن يدعي معرفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهد قط يكتب علم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجالس أهله. ابن رجب يقول كما الآن بعض الناس يبخطون d'avoir de la science. ابن رجب يقول on les a jamais vu en train d'écrire les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم ou en train d'apprendre. فهؤلاء sont أولى بالترك. هؤلاء on doit les délaisser, نحن on doit les délaisser. On a الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. هذا كلمة مختصرة. C'est un sujet important. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يثبتنا حتى نلقاه, ونسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا مضلات الفتن والأهواء, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, والحمد لله رب العالمين.